Après Madame Bordin communièrent ensemble Mademoiselle de Faverges, la comtesse, leur dame de compagnie et un monsieur que l'on ne connaissait pas à Chavignolles. Les deux derniers furent Plaquevent et Petit l'instituteur, quand tout à coup on vit paraître Gorju. Il n'avait plus de barbiche, et il regagna sa place les bras en croix sur la poitrine d'une manière fort édifiante. Le curé harangua les petits garçons, qu'ils aient soin plus tard de ne point faire comme Judas, qui trahit son Dieu, et de conserver toujours leur robe d'innocence. Pécuchet regretta la sienne, mais on remuait des chaises, les mères avaient hâte d'embrasser leurs enfants. Les paroissiens à la sortie échangèrent des félicitations. Quelques-uns pleuraient. Madame de Faverges, en attendant sa voiture, se tourna vers Bouvard et Pécuchet, et présenta son futur gendre, Monsieur le baron de Mahureau, ingénieur. Le comte se plaignait de ne pas les voir. Il serait revenu la semaine prochaine. Notez-le, je vous prie. La calèche était arrivée. Les dames du château partirent, et la foule se dispersa. Ils trouvèrent dans leur cour un paquet au milieu de l'herbe. Le facteur, comme la maison était close, l'avait jeté par-dessus le mur. C'était l'ouvrage que Barberoux avait promis, examen du christianisme par Louis Hervieux, ancien élève de l'école normale. Pécuchet le repoussa. Bouvard ne désirait pas le connaître. On lui avait répété que le sacrement le transformerait. Durant plusieurs jours, il guetta des floraisons dans sa conscience. Il était toujours le même, et un étonnement douloureux le saisit. « Comment ? La chair de Dieu se mêle à notre chair, et elle n'y cause rien ? La pensée qui gouverne les mondes n'éclaire pas notre esprit. Le suprême pouvoir nous abandonne à l'impuissance. » M. Geoffroy, en le rassurant, lui ordonna le catéchisme de l'abbé Gaume. Au contraire, la dévotion de Pécuchet s'était développée. Il aurait voulu communier sous les deux espèces, chantait des psaumes en se promenant dans le corridor, arrêtait les Chavignolais pour discuter et les convertir. Vaucorbeil lui rit au nez. Girbal haussa les épaules, et le capitaine l'appela Tartuffe. On trouvait maintenant qu'ils allaient trop loin. Une excellente habitude, c'est d'envisager les choses comme autant de symboles. Si le tonnerre gronde, figurez-vous le jugement dernier. Devant un ciel sans nuages, pensez au séjour des bienheureux. Dites-vous dans vos promenades que chaque pas vous rapproche de la mort. Pécuchet observa cette méthode. Quand il prenait ses habits, il songeait à l'enveloppe charnelle dont la seconde personne de la Trinité s'est revêtue. Le tic-tac de l'horloge lui rappelait les battements de son cœur. Une piqûre d'épingle les clous de la croix. Mais il eut beau se tenir à genoux pendant des heures et multiplier les jeûnes, et se pressurer l'imagination, le détachement de soi-même ne se faisait pas. Impossible d'atteindre à la contemplation parfaite. Il recourut à des auteurs mystiques, sainte Thérèse, Jean de la Croix, Louis de Grenade, saint Poli, et de plus moderne, Monseigneur Chaillot. Au lieu des sublimités qu'il attendait, il ne rencontra que des platitudes, un style très lâche, de froides images, et force comparaisons tirées de la boutique des lapidaires. Il apprit cependant qu'il y a une purgation active et une purgation passive, une vision interne et une vision externe, quatre espèces de raisons, neuf excellences dans l'amour, six degrés dans l'humilité, et que la blessure de l'âme ne diffère pas beaucoup du vol spirituel. Des points l'embarrassaient. Puisque la chair est maudite, comment se fait-il que l'on doive remercier Dieu pour le bienfait de l'existence ? Quelle mesure garder entre la crainte indispensable au salut et l'espérance qu'il ne l'est pas moins ? Où est le signe de la grâce ? Et etc. Les réponses de M. Geoffroy étaient simples. « Ne vous tourmentez pas. À vouloir tout approfondir, on court sur une pente dangereuse. » Le catéchisme de persévérance par Gaume avait tellement dégoûté Bouvard qu'il prit le volume de Louis Hervieux. C'était un sommaire de l'exégèse moderne défendu par le gouvernement. Barberoux, comme républicain, l'avait acheté. Il éveilla des doutes dans l'esprit de Bouvard, et d'abord sur le péché originel. Si Dieu a créé l'homme peccable, il ne devait pas le punir, et le mal est antérieur à la chute, puisqu'il y avait déjà des volcans, des bêtes féroces. Enfin, ce dogme bouleverse mes notions de justice. « Que voulez-vous ? Disait le curé. « C'est une de ces vérités dont tout le monde est d'accord, sans qu'on puisse en fournir de preuves. Et nous-mêmes nous faisons rejaillir sur les enfants les crimes de leurs pères. Ainsi, les mœurs et les lois justifient ce décret de la Providence que l'on retrouve dans la nature. » Bouvard hocha la tête. Il doutait aussi de l'enfer. Car tout châtiment doit viser à l'amélioration du coupable, ce qui devient impossible avec une peine éternelle. Et combien l'endure, Songez donc, tous les anciens, les juifs, les musulmans, les idolâtres, les hérétiques et les enfants morts sans baptême, ces enfants créés par Dieu, et dans quel but? Pour les punir d'une faute qu'ils n'ont pas commise. Telle est l'opinion de saint Augustin, ajouta le curé, et saint Fulgence enveloppe dans la damnation jusqu'au foetus. L'Église, il est vrai, n'a rien décidé à cet égard. Une remarque pourtant, ce n'est pas Dieu, mais le pécheur qui se damne lui-même. Et l'offense étant infinie, puisque Dieu est infini, la punition doit être infinie. Est-ce tout, monsieur? Expliquez-moi la Trinité, dit Bouvard. Avec plaisir. Prenons une comparaison. Les trois côtés du triangle, ou plutôt notre âme, qui contient être, connaître et vouloir, ce qu'on appelle faculté chez l'homme, est personne en Dieu. Voilà le mystère. Mais les trois côtés du triangle ne sont pas chacun le triangle. Ces trois facultés de l'âme ne font pas trois âmes. Et vos personnes de la Trinité sont trois dieux. Blasphème. Alors, il n'y a qu'une personne, un dieu, une substance affectée de trois manières? Adorons sans comprendre, dit le curé. Soit, dit Bouvard. Il avait peur de passer pour un impie, d'être mal vu au château. Maintenant, ils y venaient trois fois à la semaine. Vers 5 heures, en hiver, et la tasse de thé les réchauffait. Monsieur le comte, par ses allures, appelait le chic de l'ancienne cour. La comtesse, placide et grasse, montrait sur toute chose un grand discernement. Mademoiselle Yolande, leur fille, était le type de la jeune personne, l'ange des keepsakes. Et madame de Noares, leur dame de compagnie, ressemblait à Pécuchet, ayant son nez pointu. La première fois qu'ils entrèrent dans le salon, elle défendait quelqu'un. Je vous assure qu'il est changé, son cadeau le prouve. Ce quelqu'un était gorgu. Il venait d'offrir aux futurs époux un prie-dieu gothique. On l'apporta. Les armes des deux maisons s'y étalaient en relief de couleur. Monsieur de Mahureau en parut content, et madame de Noares lui dit « Vous vous souviendrez de mon protégé. » Ensuite, elle amena deux enfants, un gamin d'une dizaine d'années et sa sœur, qui en avait 17 peut-être. Par les trous de leurs guenilles, on voyait leurs membres rouges de froid. L'un était chaussé de vieilles pantoufles, l'autre n'avait plus qu'un sabot. Leur front disparaissait sous leur chevelure, et ils regardaient autour d'eux avec des prunelles ardentes comme de jeunes loups effarés. Madame de Noares conta qu'elle les avait rencontrés le matin sur la grande route. Plaquevent ne pouvait fournir aucun détail. On leur demanda leur nom, Victor, Victorine. Où était leur père? En prison. Et avant, que faisait-il? Rien. Leur pays, Saint-Pierre. Mais quel Saint-Pierre? Les deux petits, pour toute réponse, disaient en reniflant, « C'est pas, c'est pas. » Leur mère était morte et ils mendiaient. Madame de Noares exposa combien il serait dangereux de les abandonner. Elle attendrit la comtesse, piqua d'honneur le comte, fut soutenue par mademoiselle, s'obstina, réussit. La femme du garde-chasse en prendrait soin. On leur trouverait de l'ouvrage plus tard. Et comme ils ne savaient ni lire ni écrire, madame de Noares leur donnerait elle-même des leçons, afin de les préparer au catéchisme. Quand monsieur Geoffroy venait au château, on allait quérir les deux mioches. Il les interrogeait, puis faisait une conférence, où il mettait de la prétention à cause de l'auditoire. Une fois qu'il avait discouru sur les patriarches, Bouvard, en s'en retournant avec lui et Pécuchet, les dénigra fortement. Jacob s'est distingué par des filouteries, David par les meurtres, Salomon par ses débauches. L'abbé lui répondit qu'il fallait voir plus loin. Le sacrifice d'Abraham est la figure de la passion. Jacob, une autre figure du Messie, comme Joseph, comme le serpent d'airain, comme Moïse. Croyez-vous, dit Bouvard, qu'il ait composé le Pentateuque? « Oui, sans doute. Cependant, on y raconte sa mort. Même observation pour Josué. Et quant au juge, l'auteur nous prévient qu'à l'époque dont il fait l'histoire, Israël n'avait pas encore de roi. L'ouvrage fut donc écrit sous les rois. Les prophètes aussi m'étonnent. Il va nier les prophètes maintenant. Pas du tout. Mais leur esprit échauffé percevait Jéhovah sous des formes diverses, celles d'un feu, d'une broussaille, d'un vieillard, d'une colombe. Et ils n'étaient pas certains de la révélation, puisqu'ils demandent toujours un signe. Ah, et vous avez découvert ces belles choses? Dans Spinoza. À ce mot, le curé bondit. L'avez-vous lu? Dieu m'en garde. Pourtant, monsieur, la science. Monsieur, on n'est pas savant, si l'on est chrétien. La science lui inspirait des sarcasmes. Fera-t-elle pousser un épi de grain? Votre science, que savons-nous? Disait-il. Mais il savait que le monde a été créé pour nous. Il savait que les archanges sont au-dessus des anges. Il savait que le corps humain ressuscitera tel qu'il était vers la trentaine. Son aplomb sacerdotal agaçait Bouvard, qui par méfiance de Louis Hervieux écrivit à Varlot, et Pécuchet, mieux informé, demanda à M. Geoffroy des explications sur l'écriture. Les 6 jours de la Genèse veulent dire 6 grandes époques. Le rapt des vases précieux faits par les Juifs aux Égyptiens doit s'entendre des richesses intellectuelles, les arts dont ils avaient dérobé le secret. Isaïe ne se dépouilla pas complètement. Nudus en latin signifiant nu jusqu'aux hanches. Ainsi Virgile conseille de se mettre nu pour labourer, et cet écrivain n'eût pas donné un précepte contraire à la pudeur. Ézéchiel dévorant un livre n'a rien d'extraordinaire, ne dit-on pas dévorer une brochure, un journal? Mais si l'on voit partout des métaphores, que deviendront les fêtes? L'abbé soutenait cependant qu'ils étaient réels. Cette manière de les entendre parut déloyale à Pécuchet. Il poussa plus loin ses recherches et apporta une note sur les contradictions de la Bible. L'Exode nous apprend que pendant 40 ans, on fit des sacrifices dans le désert. On n'en fit aucun suivant Amos et Jérémie. Les Paralopomènes et Esdras ne sont point d'accord sur le dénombrement du peuple. Dans le Deutéronome, Moïse voit le Seigneur face à face. D'après l'Exode, jamais il ne put le voir. Où est alors l'inspiration? Motif de plus pour l'admettre, répliquait en souriant M. Geoffroy. Les imposteurs ont besoin de connivence, les sincères n'y prennent garde. Dans l'embarras, recourons à l'Église, elle est toujours infaillible. De qui révèle l'infaillibilité? Les conciles de Bâle et de Constance l'attribuent aux conciles, mais souvent les conciles diffèrent. Témoin ce qui se passa pour Natas et pour Arius. Ceux de Florence et de Latran la décernent au pape. Mais Adrien VI déclare que le pape, comme un autre, peut se tromper. Chicane, tout cela ne fait rien à la permanence du dogme. L'ouvrage de Louis Hervieux en signale les variations. Le baptême autrefois était réservé pour les adultes. L'extrême-onction ne fut un sacrement qu'au IXe siècle. La présence réelle a été décrétée au VIIIe. Le purgatoire reconnu au XVe, l'Immaculée Conception est d'hier. Et Pécuchet en arriva à ne plus savoir que penser de Jésus. 3 évangiles en font un homme. Dans un passage de saint Jean, il paraît s'égaler à Dieu. Dans un autre du même, se reconnaître son inférieur. L'abbé ripostait par la lettre du roi Akbar, les actes de Pilate et le témoignage des Sibylles, dont le fond est véritable. Il retrouvait la Vierge dans les Gaules, l'annonce d'un rédempteur en Chine, la Trinité partout, la croix sur le bonnet du grand lama, en Égypte au coin des dieux. Et même il fit voir une gravure représentant un nilomètre, lequel était un phallus suivant Pécuchet. M. Geoffroy consultait secrètement son ami Pruneau, qui lui cherchait des preuves dans les auteurs. Une lutte d'érudition s'engagea, et fouetté par l'amour-propre, Pécuchet devint transcendant, mythologue. Il comparait la Vierge à Isis, l'Eucharistie au Homa des Perses, Bacchus à Moïse, l'Arche de Noé au vaisseau de Xythuros. Ces ressemblances pour lui démontraient l'identité des religions. Mais il ne put y avoir plusieurs religions, puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Et quand il était à bout d'arguments, l'homme à la soutane s'écriait « C'est un mystère !» Que signifie ce mot? Défaut de savoir, très bien. Mais s'il désigne une chose dont le seul énoncé implique contradiction, c'est une sottise. Et Pécuchet ne quittait plus M. Geoffroy. Il le surprenait dans son jardin, l'attendait au confessionnal, le relançait dans la sacristie. Le prêtre imaginait des ruses pour le fuir. Un jour qu'il était sorti à sa seteau, administrer quelqu'un, Pécuchet se porta au-devant de lui sur la route, manière de rendre la conversation inévitable. C'était le soir, vers la fin d'août. Le ciel écarlate se rembrunit et un gros nuage s'y forma, régulier dans le bas, avec des volutes au sommet. Pécuchet d'abord parla de choses indifférentes, puis ayant glissé le mot martyr. « Combien pensez-vous qu'il y en ait eu ?»« 20 millions pour le moins. » Leur nombre n'est pas si grand, dit Origène. Origène, vous savez, est suspecte. Un large coup de vent passa, inclinant l'herbe des fossés, et les deux rangs d'ormeaux jusqu'au bout de l'horizon. Pécuchet reprit. On classe dans les martyrs beaucoup d'évêques gaulois, tués en résistant aux barbares, ce qui n'est plus la question. Allez-vous défendre les empereurs? Suivant Pécuchet, on les avait calomniés. L'histoire de la légion thébaine est une fable. Je conteste également saint Phorose et ses 7 fils, Félicité et ses 7 filles, et les 7 vierges d'Ancyre, condamnées au viol, bien que septuagénaires, et les 11 000 vierges de saint Ursule, dont une compagne s'appelait Indécémila, un nom pris pour un chiffre, encore plus les 10 martyrs d'Alexandrie. Cependant, il se trouve dans des auteurs dignes de créance. des gouttes d'eau tombèrent. Le curé déploya son parapluie, et Pécuchet, quand il fut dessous, osa prétendre que les catholiques avaient fait plus de martyrs chez les juifs, les musulmans, les protestants et les libres penseurs que tous les romains autrefois. L'ecclésiastique se récria. « Mais on compte 10 persécutions depuis Néron jusqu'au César Galère. »« Eh bien, et les massacres des Albigeois, et la Saint-Barthélemy, et la révocation de l'édit de Nantes ?»« Excès déplorable sans doute, mais vous n'allez pas comparer ces gens-là à Saint-Étienne, Saint-Laurent, Cyprien, Polycarpe, une foule de missionnaires. Pardon, je vous rappellerai Hypatie, Jérôme de Prague, Jean Hus, Bruno, Vanini, Anne Dubourg. » La pluie augmentait, et ses rayons dardaient si fort qu'ils rebondissaient du sol comme de petites fusées blanches. Pécuchet et M. Geoffroy marchaient avec lenteur, serrés l'un contre l'autre, et le curé disait « Après des supplices abominables, on les jetait dans des chaudières. L'Inquisition employait de même la torture, et elle vous brûlait très bien. On exposait les dames illustres dans les lupanards. Croyez-vous que les dragons de Louis XIV fussent des sangs ? Et notez que les chrétiens n'avaient rien fait contre l'État. Les huguenots, pas davantage. » Le vent chassait, balayait la pluie dans l'air. Elle claquait sur les feuilles, ruisselait au bord du chemin, et le ciel couleur de boue se confondait avec les champs dénudés, la moisson étant finie. Pas un toit. Au loin seulement la cabane d'un berger. Le maigre paletot de Pécuchet n'avait plus un fil de sec. L'eau coulait le long de son échine, entrait dans ses bottes, dans ses oreilles, dans ses yeux, malgré la visière de la casquette amoureuse. Le curé, en portant d'un bras la queue de sa soutane, se découvrait les jambes, et les pointes de son tricorne crachaient l'eau sur ses épaules comme des gargouilles de cathédrale. Il fallut s'arrêter, et tournant leur dos à la tempête, ils restèrent face à face, ventre contre ventre, en tenant à quatre mains le parapluie qui oscillait. M. Geoffroy n'avait pas interrompu la défense des catholiques. « Ont-ils crucifié vos protestants comme le fut Saint-Siméon, ou fait dévorer un homme par deux tigres, comme il advint à Saint-Ignace ? Mais comptez-vous pour quelque chose, tant de femmes séparées de leur mari, d'enfants arrachés à leur mère, et les exils des pauvres à travers la neige, au milieu des précipices. On les entassait dans les prisons. À peine morts, on les traînait sur la claie. L'abbé ricana. Vous me permettrez de n'en rien croire. Et nos martyrs à nous sont moins douteux. Sainte Blandine a été livrée dans un filet à une vache furieuse. Sainte Julie périt assommée de coups. Saint Arac, Saint Probus et Saint Andronique, on leur a brisé les dents avec un marteau, déchiré les côtes avec des peignes de fer, traverser les mains avec des clous rougis, enlever la peau du crâne. « Vous exagérez, » dit Pécuchet. « La mort des martyrs était dans ce temps-là une amplification de rhétorique. »« Comment de la rhétorique ?»« Ben oui, tandis que moi, monsieur, je vous raconte de l'histoire. Les catholiques en Irlande éventrèrent des femmes enceintes pour prendre leurs enfants. »« Jamais. »« Ils les donnaient aux pourceaux. »« Allons donc. » »« En Belgique, ils les enterraient toutes vives. »« Quelle plaisanterie !»« On a leur nom. » Et quand même, objecta le prêtre en secouant de colère son parapluie, on ne peut les appeler des martyrs. Il n'y en a pas en dehors de l'Église. Un mot, si la valeur du martyr dépend de la doctrine, comment servirait-il à démontrer l'excellence ? La pluie se calmait. Jusqu'au village, ils ne parlèrent plus. Mais sur le seuil du presbytère, l'abbé dit « Je vous plains, véritablement, je vous plains. » Pécuchet conta de suite à Bouvard son altercation. Elle lui avait causé une malveillance anti-religieuse. Et une heure après, assis devant un feu de broussailles, il lisait le curé Meslier. Ses négations lourdes le choquèrent. Puis, se reprochant d'avoir méconnu peut-être des héros, il feuilleta dans la biographie l'histoire des martyrs les plus illustres. Quelle clameur du peuple quand ils entraient dans l'arène ! Et si les lions et les jaguars étaient trop doux, du geste et de la voix, ils les excitaient à s'avancer. On les voyait tout couverts de sang. Sourire debout, le regard au ciel. Sainte Perpétue renoua ses cheveux pour ne point paraître affligée. Pécuchet se mit à réfléchir. La fenêtre était ouverte, la nuit tranquille, beaucoup d'étoiles brillaient. Il devait se passer dans leur âme des choses dont nous n'avons plus d'idée, une joie, un spasme divin. Et Pécuchet, à force d'y rêver, dit qu'il comprenait cela, aurait fait comme eux. Toi ? Certainement. Pas de blague. Crois-tu oui ou non ? Je ne sais pas. Il alluma une chandelle. Puis ses yeux tombant sur le crucifix dans l'alcôve. Combien de misérables ont recouru à celui-là ? Et après un silence, on l'a dénaturé. C'est la faute de Rome, la politique du Vatican. Mais Bouvard admirait l'Église pour sa magnificence et aurait souhaité au Moyen-Âge être un cardinal. J'aurais eu bonne mine sous la pourpre, conviens-en. La casquette de Pécuchet posée devant les charbons n'était pas sèche encore. Tout en l'étirant, il sentit quelque chose dans la doublure, et une médaille de Saint-Joseph tomba. Ils furent troublés, le fait leur paraissant inexplicable. Madame de Noares voulut savoir de Pécuchet s'il n'avait pas éprouvé comme un changement, un bonheur, et se trahit par ses questions. Une fois, pendant qu'il jouait au billard, elle lui avait cousu la médaille dans sa casquette. Évidemment, elle l'aimait. Ils auraient pu se marier, elle était veuve, et il ne soupçonna pas cet amour qui peut-être eût fait le bonheur de sa vie. Bien qu'il se montrât plus religieux que M. Bouvard, elle l'avait dédié à Saint-Joseph, dont le secours est excellent pour les conversions. Personne comme elle ne connaissait tous les chapelets et les indulgences qu'ils procurent, les faits des reliques, les privilèges des eaux saintes. Sa montre était retenue par une chaînette qui avait touché au lien de Saint-Pierre. Parmi ses breloques luisait une perle d'or, à l'imitation de celle qui contient dans l'église d'Allouagne une larme de Notre Seigneur. Un anneau à son petit doigt enfermait des cheveux du curé d'Ars, et comme elle cueillait des simples pour les malades, sa chambre ressemblait à une sacristie et à une officine d'apothicaire. Son temps se passait à écrire des lettres, à visiter les pauvres, à dissoudre des concubinages, à répandre des photographies du Sacré-Cœur. Un monsieur devait lui envoyer de la pâte des martyrs, mélange de cire pascale et de poussière humaine prise aux catacombes, et qui s'emploie dans les cas désespérés en mouches ou en pilules. Elle en promit à Pécuchet. Il parut choqué d'un tel matérialisme. Un soir, un valet du château lui apporta une hotée d'opuscules relatant des paroles pieuses du grand Napoléon, des bons mots de curé dans les auberges, des morts effrayantes advenues à des impies. Madame de Noares savait tout cela par cœur, avec une infinité de miracles. Elle en comptait de stupides, des miracles sans but, comme si Dieu les eût faits pour ébahir le monde. Sa grand-mère, à elle-même, avait serré dans une armoire des pruneaux couverts d'un linge, et quand on ouvrit l'armoire un an plus tard, on en vit 13 sur la nappe, formant la croix. Expliquez-moi cela. C'était son mot après ces histoires, qu'elle soutenait avec un entêtement de bourrique, bonne femme d'ailleurs, et d'humeur enjouée. Une fois pourtant elle sortit de son caractère. Bouvard lui contestait le miracle de Pézilla. Un compotier où l'on avait caché des hosties pendant la Révolution se dora de lui-même, tout seul.